Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 20 ans et je suis français. J'habite à Paris. Je suis roux et j'ai les yeux marrons. Je suis petit et maigre. Je suis très sympathique et j'aime rire. J'ai beaucoup d'amis. J'ai une sœur et un frère.